بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc la semaine passée, on avait commencé l'explication au sujet de faire les photos et que ça c'est un moyen, une chose qui amène au shirk billah. On a mentionné quelques preuves là-dessus et on était arrivé au point où le shirk expliquait la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, car il a dit, قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله وإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان فكيف بمن صوى المخلوق برب العالمين وصرف له شيئا من العبادة. Donc le chef il a mentionné un commentaire en fait sur la parole de ce que l'imam al-Nawawi avait dit. Juste pour vous rappeler un peu de ce que l'imam al-Nawawi avait mentionné, c'est qu'il a dit que le hadith au sujet de que le hadith qui dit que la personne qui aura le plus dur châtiment au jugement dernier sont ceux qui unissent la création d'Allah. Donc l'imam al-Nawawi a dit, on a dit que, certains ont dit que ce hadith concerne celui qui fait une photo dans le but de l'adorer. Comme celui qui fabrique les idoles, par exemple, ou les images d'idoles. Alors il dit celui-là, il les capte. C'est-à-dire qu'il n'est pas un croyant. Si un musulman fait ça, quelqu'un qui dit musulman fait ça, c'est-à-dire qu'il fabrique des idoles, ou des statues, ou des images, ou des croix dans le but de l'adorer. Alors lui, il est pas musulman. Après, il dit, وهو أشد الناس عذابا إذ يجعل حتما وقيل هو فيمن قصد هذا المعنى الذي في الحديث من مضاهته خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر. دي الشيخ الذي إيه تحديث فكان عندي كتحديث كونسيرن سو كي فون دي ديناج دي ستاتيو دان لو بوت دي لا كرياسيون دالله سبحانه وتعالى. Donc, ceux qui croient que quand ils fabriquent quelque chose, une statue ou une image ou quelque chose de ce genre, qu'ils veulent imiter la création d'Allah, alors ceux-là aussi me disent « Fahad al-Kafir » et celui-là est le créateur aussi. Après, le chef il dit « Walahu min shiddat al-adabi mal al-Kafir »« Wayazidu alayhi wayazidu adabuhu bi ziyadati kufri » Et il a la dureté du châtiment, que la même dureté du châtiment que le kafir, et plus il augmente dans sa mécréance, plus son châtiment va augmenter. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر. Cheikh il dit, mais en ce qui concerne la personne qui a fait les idoles ou les images ou les statues, mais il n'a pas une intention de les adorer ni d'imiter la création d'Allah, la religion celui-là est un fasiq. Un fasiq, c'est celui qui fait un péché, c'est quelqu'un qui est une personne qui fait des péchés ouvertement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas honte de faire un péché, il transgresse toutes les limites d'Allah. Et il a fait un grand péché, mais il n'est pas le créateur. Je vais vous demander, on ne sait pas ce qu'on voit dans les sujets, avec le Coran, mais certaines versions Ça aussi, c'est pas permis de mettre la photo de la personne qui récite le Coran, c'est interdit. Et ça, on va le mentionner parce que j'ai amené justement d'autres explications pour compléter ce qui est impliqué dans ce livre. Parce que le chef, il voulait juste expliquer un point, puis se limiter à ça. Mais dans l'autre livre, il y a d'autres explications. Donc, le chef, Abdurrahman ibn Hassan, il commente la parole de l'imam al-Nawawi et il dit, si on peut dire ça à propos de la personne qui fait fait des images qui fait des images qui ressemblent à ce que Allah a créé parmi les animaux et les êtres humains, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la personne qui veut mettre au même niveau la créature et Allah dans l'adoration? C'est-à-dire qu'il met Allah et les idoles au même niveau en leur offrant, aux idoles une forme d'adoration. En voulant dire, si la personne qui fait les fabriques des idoles, il a fait le châtiment, alors que dire de la personne qui adore les idoles et qui les met au niveau au même degré que Allah subhanahu wa ta'ala? Lui aussi, il a un châtiment. Alors, après le chef, il mentionne un autre hadith. C'est le hadith, le troisième hadith qu'il mentionne. Et il dit, وروى البخاري ومسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ومعناه أنه في يوم القيامة تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا ويجعل في كل واحدة منه نفس يعذب بها في جهنم قلت الصور أم كثرت فقياسي عذاب فيقاسي عذابها بحيث يكون من كل صورة شخص يعذب به في جهنم. Donc le chef, il explique, il a dit que le prophète Ibn Abbas a rapporté qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: toute personne qui fait des images, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de chaque image qu'il a fait, il va faire de ces images, Allah, une personne qui va venir le torturer dans l'enfer. Et donc, pour chaque image que cette personne-là a fait, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de ces images une personne qui vient pour l'échapper dans l'enfer. Et le chef, il explique que c'est, même s'il a fait une seule photo ou plusieurs photos, il aura un châtiment. C'est ça que certains personnes disent. Après, il mentionne un autre hadith. Le hadith numéro 4, il dit: روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا نوع آخر من العذاب للمصور ومعناه واضح، وهو أن المصور تحضر أمامه جميع الصور التي صورها في الدنيا ثم يؤمر أن ينفخ في كل واحدة منها الروح، وأن له ذلك هو الروح من أمر ربه، وإنما هذا تعجيز له لأنه يكلف ما لا يطيق فيكون معذبا دائما. فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان وتعاطاه في دنياه من مضاهة خلق الله. نقول الشيخ الزيك لحديث البقية صلى الله عليه وسلم في أسرع تصريح ابن عباس رضي الله عنه في صليفيا بسميك ou qui a fait une image. Alors, celui-là sera demandé au jugement dernier de mettre l'âme dans cette image, ou dans cette statue, ou dans la chose qu'il a dessinée ou représentée. Et bien entendu, il ne sera jamais capable. Donc, le chef, il dit, ça c'est un exemple du châtiment pour la personne qui fait des images ou des représentations. Et il dit sa signification est claire, et c'est que la personne qui a fait ces images-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre, toutes ces images devant lui, les images qu'il a faites dans cette vie, Allah va les mettre devant lui, et il va lui ordonner de souffler l'âme dans chacune de ses images. Mais bien entendu, il ne sera jamais capable de le faire, donc il va continuellement être châtié dans l'enfer. Et le but de ça, c'est de lui montrer qu'il est incapable et qu'il est faible et qu'il est incapable de créer la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il a mentionné un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a déjà mentionné, peut-être plusieurs fois déjà. Rawa Muslim rahimahullah an Abi al-Hayyaj qala qala li Ali radi Allahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla tad'a suratan illa tamattaha wa la qadran musharrafan illa sawaita. ففي هذا الحديث الأمر بطرس الصور وهو تغييرها عن هيئتها التي لا تبقى على حالها المشابهة لخلق الله، وفيه الأمر بهدم المباني المقامة على القبور من قباب ومساجد وغيرها من مظاهر وثنية. ففي هذا الحديث الأمر بالقضاء على الوسيلتين من أفضل وسائل الشرك وذرائعه المفضية إليه، وهما التصوير والبناء على القبور، وهذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين وحماية عقيدة المسلمين. Donc le cheikh dit l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Bayyaj que Ali lui a dit je vais t'envoyer dans une mission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé faire lorsqu'il était en vie. Il m'a envoyé pour détruire toute image, ne laisse aucune image sans la détruire, et ne laisse aucune tombe élevée sans la niveler au niveau du sol. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc le chef dit, dans ce hadith, il y a l'ordre de détruire les images et de les changer dans leur état pour qu'il ne reste rien de la ressemblance avec la création d'Allah Ta'ala. Et il y a l'ordre de détruire toute construction ou fabrication qui a été bâtie au-dessus des tombeaux, que ce soit les dômes ou les mosquées ou autres choses qui font partie des manifestations de l'idolâtrie. Alors dans ce hadith, il y a l'ordre de stopper ces deux moyens qui sont parmi les plus grands moyens, les plus grandes causes de choses qui mènent au chiffre, et c'est-à-dire les images et les constructions au-dessus des tombeaux. Et il y a dans ça, il y a dans cette interdiction les plus grands bienfaits pour la religion et la protection de la croyance des musulmans. Ensuite, le chef dit وقد كثر في زماننا هذا التصوير واستعماله ونقل الصور بتعليقها والاحتفاظ بالصور التكفيرية، وكثر أيضا في هذا الزمان البناء على القبور حتى صار ذلك أمرا مألوفا، وذلك بسبب غربة الدين وخفاء السنن وظهور البدع وسكوت كثير من العلماء واستسلامهم للأمر الواقع، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا في غالب البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشيخ الدين إيه دارت الفقر شوال إذا لفوتو إنتلزاتيون للناج des photos et de les accrocher sur des murs ou de les préserver pour se souvenir, soit dans un album ou autre. Alors il dit tout ça c'est répandu, et il dit aussi la construction sur les tombeaux c'est aussi une chose qui est répandue et acceptée pour la plupart des musulmans aujourd'hui. Il dit la cause de ça c'est que la religion est devenue étrange, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فحديث لك رفقتها صحيح مسلم كبدي لا religion est commencée comme une chose étrange et elle va redevenir étrange vers la fin des temps. Au début l'islam est arrivé comme chose que les mouchriquins ignoraient. Et quand elle est apparue, donc, c'était quelque chose qui était étrange, une unicité d'Allah, quelque chose comme ça, donc les gens ne connaissaient pas. Et ensuite, c'est devenu une chose qui est répandue, mais lorsque les musulmans se voient de plus en plus de la sunna, et que les ulama et les gens viennent pour appeler les gens à suivre la sunna, eh bien, ils paraissent comme étant des gens qui veulent amener une nouvelle religion. Et donc, on voit souvent ça dans les pays musulmans, quand quelqu'un arrive et appelle les gens à suivre une sunna, ils disent, regardez, ils veulent nous apporter une nouvelle religion. Et nos parents ne faisaient pas ça, ni nos grands-parents. Pourquoi? Parce que leurs grands-parents se sont éloignés de la sunna, et à cause de ça, maintenant la sunna leur paraît comme une chose étrange. Et donc, le chef, c'est à ça qu'il veut faire, allusion lorsqu'il dit, que la religion est devenue quelque chose d'étrange. Et, Khafa al-Sunnah, c'est-à-dire les sunnahs sont devenus quelque chose de caché. Pour la plupart des gens, c'est-à-dire beaucoup de gens les ignorent. Et, le jour où les bid'ah sont devenus répandus. Et c'est elles qui sont exprimées et que tout le monde pratique. Et, le silence des savants. Donc, certains des savants restent silencieux devant toutes ces innovations. L'islam et les lois, c'est-à-dire se sont soumis à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ne sont plus capables de rien faire pour changer la situation, alors ils se sont soumis à la réalité de ce qui se passe dans le monde. Et ils ont laissé tomber tous les efforts pour essayer de combattre ces choses-là. Et ils ont dit que le bien est devenu mal et le mal est devenu quelque chose de bien dans la plupart des pays musulmans. Et après, dit voilà, je crois que la prochaine chapitre. Donc, à ce sujet-là, ensuite, parce que la dernière fois, il y a des frères qui ont commencé à discuter avec moi sur ce sujet. Et puis, ils m'ont parlé des photographies et certains d'entre eux disaient que c'était permis et tout ça. Donc, j'ai ramené quelques exemples des paroles de ulama au sujet des photos pour expliquer un peu qu'est-ce que les savants ont dit là-dessus. Par exemple, je vais vous montrer quelques fatwas qui ont été mentionnés par certains chouïots et puis on va en parler un petit peu encore après. Donc, par exemple, il y a ici une question. Quelqu'un demande, « لقد بلغنا أو بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد فيه الصور. هل هذا صحيح؟ وهل القذف من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو الحيوان يعني المجسمة أو هي تشمل جميع التصاوير؟ كالصورة الموجودة في حفيظة النفوس والموجودة في الفلوس وكان التحريم يشمل وإذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها أفيدونا؟ إيه لا يقول الشيخ الدين نعم إن الصور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان حرام سواء كانت مجسمة أو لم أم رسوما وألوانا في ورق ونحو أم نسيجا في قماش أو صور شمسية وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كالصور التي للمجرمين والمشبوهين لبقتهم والصور التي في جوازات السفر وحفائظ النفوس ويرجى أن لا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها والله المستعان وهكذا الصور التي تمت هنا كالتي في الفراش والوسائد ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وما خلقتم رواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. Donc, pour expliquer maintenant, pour se faciliter, le chef, il a demandé, on lui a demandé la question, on a, la personne a demandé, il a dit, on nous a dit que les photographies sont interdites et que les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a des photos. Est-ce que ça c'est exact? Et est-ce que la signification de ça, c'est que toutes les photos sont interdites, comme par exemple les photos qui ont des images d'êtres humains ou d'animaux, ou bien est-ce que ça comprend aussi les photos qui sont dans nos passeports ou sur l'argent ou d'autres choses comme ça? Est-ce que ça aussi c'est interdit? Et donc comment on peut faire pour essayer d'éliminer ces choses-là de nos maisons? Et le chef il répond, il dit oui, toutes les photos d'êtres humains ou d'animaux sont haram, peu importe qu'elles soient en trois dimensions, comme les statues, ou bien qu'elles soient dessinées ou photographiées, même des photographies avec des caméras. Il dit parce que, et les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images, à cause de la généralité des peuples. Les peuples à ce sujet sont générales. Et donc, tout qui entre dans la définition de photo ou d'image entre dans l'interdiction de ces hadiths. Et après, le chef il dit, on permet dans ces choses-là, pour cause de nécessité, les photos qui sont par exemple les photos des gens qui sont des criminels, dans le but de les reconnaître, ou des gens comme Google, des choses comme ça, dans le but d'être capable de les attraper, ou les photos qui sont dans les passeports, ou les cartes, ou des choses comme ça, dans le but de, il y a des raisons qu'on connaît, donc le chef il dit que ça, c'est permis à cause de la nécessité de ces cas. Mais la règle base, c'est que c'est l'interdiction. Et après, il dit, on espère que ces cas au-delà ne soient pas une cause qui empêche, une chose qui empêche les anges d'entrer dans nos maisons parce qu'on a la nécessité de les porter ou de les garder. Et après, il dit, et la même chose pour les images ou les photos qui sont sur les lits ou les tapis ou des choses comme ça. Après, il dit, il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il est mentionné, les gens qui ont fait ces photos-là, ils seront châtiés au jugement dernier et on va leur demander de les faire vivre, de leur donner la vie et ils ne seront pas capables. Et après, il a mentionné un autre hadith selon Abi Ghurfa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la personne qui prend des intérêts à riba et la personne qui le donne et aussi il a maudit la personne qui fait les images. Après il y a une autre question aussi à ce sujet-là. Ma hukmu ta'liq as-suwar wa ghayriha. On a demandé au chef c'est quoi le verdict au sujet de d'accrocher des images et autres choses de ce genre. Et le chef il a dit hukmu dhalika at-tahrim. إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها سترا فيه التطاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خسكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم أخرجه مسلم وغيره ولكن إذا كانت الصورة في بطاق يمتهن أو رسالة يرتفق بها فلا حرج في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبريل أو من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التماثيل فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه مثابتان منتبذتان طوأتان طوطعان ومر بالكلب أن يخرج ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نبض في البيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب متفق عليه وقصة جبرائيل أو جبريل هذه تدل على أن السورة في بساط ونحوها لا تمنع من دخول الملائكة ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من السفر المذكور رسالة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, on va expliquer cette longue explication au sujet de l'accrocher les images sur les murs. Donc, le chef dit, accrocher les images sur les murs, c'est interdit. Si c'est une image de quelque chose qui possède un âme, comme un être humain ou un animal, et la preuve de ça, la preuve de cette interdiction, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ne laisse pas aucune image sans la détruire, et ne laisse pas aucune tombe sans la niveler. C'est le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est rapporté dans Sahih Muslim. Et aussi, il mentionne un hadith selon Aïcha, radiallahu anha, qu'elle a accroché un rideau sur lequel il y avait des dessins. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il l'a déchiré, il l'a arraché et son visage est changé. Il était en colère d'avoir vu ces images. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ya Aïcha, ô Aïcha, les gens qui ont dessiné ces images, ils seront châtiés au jugement au jour de la résurrection. Et on leur dira, donnez la vie à ce que vous avez créé, et bien sûr, on sait qu'ils ne seront jamais capables. Et après, selon, ça c'est Akhrajah Muslim ou Arrayou. C'est un hadith rapporté par Muslim et d'autres. Après, le chef il dit, si par contre, si les images sont sur un tapis ou sur un coussin, et qu'on s'assoit dessus, ou qu'on les utilise pour les piétiner ou autre, il dit dans ce cas-là, c'est accepté. Et il dit, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un rendez-vous avec Jibril. Et lorsque Jibril est arrivé, il a refusé d'entrer dans la maison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril pourquoi il refusait d'entrer. Et Jibril a dit que la raison pour ça, c'est qu'il y avait une statue et qu'il y avait un rideau sur lequel il y avait des dessins, et il a dit parce qu'il y avait un chien. Et donc, il a ordonné qu'on coupe la tête de la statue, et il a ordonné qu'on coupe le rideau pour en faire deux coussins, et il a ordonné de faire sortir le chien. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, et donc Jibril, alayhi salam, est entré dans la maison par la suite. le hadith apporté par Al-Nasa'i et d'autres. Et il dit dans ce hadith, le chien, il était mentionné que le chien était un bébé, un chien, un bébé chien qui appartenait, un chiot, oui, qui appartenait à Al-Hassan ou Al-Hussein. Les enfants de Ali et Fatima. Qui était en dessous du lit, dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou en dessous d'une table. Et après, il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images ou un chien. Et c'est un hadith qui est muttafaq alayh, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans une autre histoire, où dans l'histoire de Jibril, il y a une preuve que les images qui sont sur les tapis ou sur les coussins, elles n'empêchent pas les anges d'entrer, parce que c'est des images qui sont humiliées, dans le sens qu'on marche dessus ou on s'assoit dessus, on les écrase. Il y a une autre question ici qui a été posée à notre cher à ce sujet. ورد في إلى اللجنة سؤالا برقم يعني من جفاف يخدم ونقصد قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم. ما حكم التصوير وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد ادعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدويا وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال. وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلة المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك، فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم؟ وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغثة منها والسمين؟ أفيدونا في هذا، وهل يجوز وضع هذه المجلات في مصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إطلاقها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟ أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله. الجواب: أولا، التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والضغط والصبغ بالألوان والصور المجسمة، سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وهكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. Donc on a posé la question au chef en ce qui concerne les images photographiques, yani avec une caméra. Et il a dit que le chef n'avait pas mentionné ça dans son livre au sujet des images. Et donc il demande au chef l'explication à ce sujet. Et est-ce qu'il y a une différence entre les dessins qu'on fait avec la main et les images qui sont faites à l'aide d'une caméra photographique? Alors, il a dit que certaines personnes ont prétendu que c'est permis parce que tu ne fais rien dans ça sauf appuyer sur un bouton. Et donc, étant donné que tu fais rien de plus que d'appuyer sur un bouton et que c'est une image qui sort, Yannick, donc étant donné que tu n'as pas fait d'effort là-dedans, ils disent que ça rend la chose Yannick halal. Et il dit que certains d'entre ses amis lui ont montré une photo du chef dans l'un des magazines. Et donc la photo du chef était apparue dans le magazine. Et puis il demande, est-ce que ça signifie qu'on peut prendre ça comme une preuve pour dire que vous acceptez les photos, le fait que votre photo est apparue dans le magazine, ou bien on l'a pris sans votre connaissance. Et après il demande si les images sont interdites, les photographies. Donc, est-ce qu'on a le droit d'acheter les magazines dans lesquels il y a plein de photos, mais qui contiennent aussi des nouvelles importantes? Et est-ce qu'on a le droit d'entrer avec ces magazines-là dans la mosquée, même si on les couvre avec un vêtement ou dans un sac ou quelque chose comme ça? Et est-ce qu'on doit les jeter après les avoir lus? Et est-ce qu'on a le droit de regarder à des images qui bougent, comme les dessins, les bandes animées ou les dessins animés ou des choses comme ça, à la télévision? Et est-ce qu'on a le droit de faire fonctionner une télévision dans la mosquée? Et il demande au chef l'explication à ce sujet. Donc le chef, il répond, il a dit, en ce qui concerne les photographies, elles sont toutes interdites. Que ce soit des photos faites avec une caméra ou sans une caméra, qu'elle soit en trois dimensions ou qu'elle soit des photos en deux dimensions sur une feuille ou sur un papier. Et la différence entre les façons de produire cette photo, ça ne fait pas une différence dans le verdict au sujet de cette chose. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on utilise un moyen différent pour faire une image que ça le rend halal. Que tu passes la photo avec ta main ou que tu prennes une caméra et que tu pèses sur la caméra avec ta main et qu'ensuite tu vas dans un laboratoire pour le tremper dans certaines solutions pour faire sortir l'image. Alors tout ça c'est la même chose, c'est juste une différence dans le moyen que tu utilises, mais la chose reste que tu sais quand même faire une image. Alors le chef il dit qu'il n'y a pas de différence dans ces deux choses-là, et le fait que ce soit plus facile avec la caméra qu'avec la main, ça aussi, il dit, ça ne fait aucune différence dans le verdict au sujet de la photo. Et en deuxième, donc le chef dit, le fait que ces images sont apparues dans les magazines, alors ça ne prouve pas que je dis que c'est permis, parce que moi-même je n'étais même pas au courant qu'il m'avait pris en photo. Et après, la troisième, il dit, Al-Yadiyanna wal-Jawa'id allati biha akhbarun muhimma wa masa'ilun ilmiya nafi'a wa biha suwarun li zawatil arwah yajuzu شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة، لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار والصور تابعة، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفائها أو مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مطالات، وتنفي رؤوس الصور بما يذهب معالمها. Donc le chef il dit, en ce qui concerne d'acheter les magazines dans lesquels il y a des photos, dans le but de profiter des bonnes connaissances qu'il y a dedans et des bonnes informations, alors il dit ça c'est permis. Et pourquoi? Parce que le but, ces magazines-là, c'est pas non, c'est pas de voir les photos, mais plutôt de profiter des informations qui sont dedans. Donc, il est possible de prendre ces magazines-là et de les rentrer dans la mosquée si on les couvre. C'est-à-dire, on ne les laisse pas sortis, mais on les cache avec un vêtement ou dans le sac. Et le chef lui dit, c'est bon aussi de marquer les visages des photos avec un marqueur ou avec quelque chose pour essayer d'éviter que ces images soient complètes. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est ça. Puis, Rabi'an, لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق به من سماع ونظر إلى ما فيه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc le chef dit, il n'est pas permis de mettre la télévision dans la mosquée ou l'endroit où on prie pour pas que ce soit une distraction. Et en ce qui concerne le fait de regarder la télé, donc il dit, on n'a pas le droit de regarder à des images de nudité ou des images de perversité. Mais en ce qui concerne le fait de regarder la télévision, il dit qu'il a fait un autre fatwa sur ce sujet-là. Et puis, dans lequel il a expliqué qu'est-ce qui concerne la télévision. Donc, il n'en a pas parlé plus que ça ici. Mais, on peut terminer avec ça. Oui. Alhamdulillah. Pour le parler à la, on astaghfirullah alayhi wa lakum, astaghfiruhu, innahu wa la rahmu wa rahim. Barakallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah.